Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. À partir d'aujourd'hui, les lycéens peuvent formuler leurs vœux sur Parcoursup. Et oui, leur avenir maintenant se fait sur ce Parcoursup, l'occasion d'évoquer une grande figure de l'histoire de l'université, la première bachelière, la première licenciée S lettres, Julie Victoire Daubier. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Tous les journaux ont annoncé la nouvelle, rarement en première page, parfois dans la rubrique « Faits divers », parfois dans la rubrique « Nouvelles diverses », parfois dans celle « Nouvelles des départements ». Cet été-là, à la fin du mois d'août 1861, le baccalauréat premier diplôme universitaire connaît un moment historique. Lisons le Constitutionnel, le 24 août 1861. La faculté des lettres de Lyon vient de terminer sa session des examens du baccalauréat. Parmi tous les candidats, il en était un, surtout qui, plus que tous les autres, attirait l'attention et l'intérêt du public et de la faculté. C'était une femme, Mademoiselle Daubier, institutrice à Paris, qui se présentait courageusement devant la faculté des lettres de Lyon pour conquérir un grade dont l'usage et les préjugés semblaient avoir jusqu'à présent réservé aux hommes seuls les avantages et les honneurs. Elle a son bac. Vive Julie Victoire Daubier. En 1861, nous sommes loin de l'égalité à l'école et à l'université, mais la voie est ouverte et cette voie, c'est celle de Julie Victoire Daubier. Rebecca Rogers, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Quand nous évoquons cette figure de Julie Victoire Daubier, quelques mots suffisent à la présenter. Première bachelière dans l'histoire de France, première licenciée S-lettres, si l'on veut aller un tout petit peu plus loin. Cette figure est essentielle. La question qui m'intéresse aujourd'hui n'est pas tant de savoir comment elle a eu son bac, mais nous allons en parler. C'est pourquoi a-t-elle voulu passer le bac ? Je pense qu'elle est vraiment pionnière aussi hein, dans sa volonté de briguer ce grade auquel les femmes pouvaient pas espérer. Et elle est pionnière parce que c'est au tout début des années 60, l'enseignement secondaire est non mixte. On peut pas préparer un baccalauréat pour les filles. Et elle va en quelque sorte ouvrir la voie à toute une série de revendications dans ces années 1860 qu'on voit comme, si on pense au Second Empire, on pense à l'autoritarisme, mais qui en réalité se libéralise dans ces années 1860 et surtout à partir du moment où Victor Duruy devient ministre de l'Instruction publique en 1863. Et elle va en quelque sorte entraîner avec elle toute une revendication de la part des femmes d'avoir un enseignement plus poussé, un enseignement professionnel. Victor Duruy va également ouvrir des cours secondaires pour jeunes filles. Mais elle est vraiment celle qui impulse ce mouvement. Donc c'est vrai que c'est important de la reconnaître. Rebecca Rogers, vous êtes professeure à l'Université de Paris. On disait Descartes avant, spécialiste de l'histoire de l'éducation féminine au 19e siècle. Vous êtes l'autrice d'un ouvrage intitulé « Les bourgeoisies au pensionnat, l'éducation féminine au 19e siècle » aux presses universitaires de Rennes et avec Françoise Thébault de « La fabrique des filles, l'éducation des filles » de Jules Ferry à la pilule. Et avec nous aujourd'hui pour évoquer ce personnage, Amélie Puch. Bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Amélie Puch, vous venez de soutenir une thèse intitulée « Les femmes à la conquête de l'université 1870-1940, les implications sociales et universitaires de la poursuite du cursus scolaire dans l'enseignement supérieur par les femmes sous la Troisième République ». Il faut toujours appeler le directeur de thèse. Oui, c'est Monsieur Jean-François Condette. Et puis on peut rappeler également ce travail. Un membre de votre jury, Rebecca Rogers. Tout à fait. Quelle est la place de Julie Victoire Daubier, première bachelière, dans cette étude que vous portez sur les femmes à la conquête de l'université ? C'est en marge ou c'est essentiel ? Bien sûr, elle est essentielle puisqu'elle est pionnière, la première à passer le baccalauréat. C'est elle qui ouvre la voie de l'université aux femmes quelque part. Donc, c'est un personnage qui reste central dans cette conquête des femmes de l'université. Rebecca Rogers, d'où vient Julie Victoire Daubier? On dit souvent Julie Daubier en raccourcissant le Victoire. Victoire serait son prénom favori. Donc Julie Victoire Daubier, d'où vient-elle? Elle vient d'une famille de la petite bourgeoisie, je dirais. Son père est commis à la manufacture royale de Bains-les-Bains. Et elle va. Mais son père décède très très très tôt. Elle est très jeune quand son père décède. Elle est d'une famille, d'une fratrie de 8 enfants. Et c'est quelqu'un, comme beaucoup de jeunes femmes de ce milieu-là, l'ambition scolaire va passer par le passage de brevets, de capacités qui leur permettent de devenir institutrices. Et donc elle a en partie à cause de sa situation familiale, mais clairement aussi une envie de savoir s'orienter très tôt vers une carrière liée à l'accès au savoir. Nous avons une jeune fille des Vosges, issue de la bonne société, de la bourgeoisie, mais dites-nous, quel est le panorama du milieu scolaire dans ces années-là? Donc, nous sommes à un moment où les choses évoluent. Il y a eu la loi Guizot dans les années 1830, la loi Fallou en 1850. Quelles sont les opportunités scolaires qui s'offrent à une jeune fille? Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les établissements de type secondaire, les pensionnats tenus par des laïcs ou par des religieuses. Alors, Julie Victoire Daubier, elle va plutôt aller dans le primaire. D'autant plus qu'à partir de 1853, on élimine administrativement le niveau secondaire pour les jeunes filles. Donc on n'a plus le droit, si on a un établissement de type secondaire, de l'afficher comme tel. Donc on est quand même à la fois dans un moment de développement de l'enseignement des filles, mais qui passe beaucoup par des congrégations religieuses, qui sera important dans les combats de Julie Victoire Daubier. C'est un moment dans les années 50 de conservatisme, mais néanmoins où les possibilités sont plus larges pour les jeunes filles. Mais un enseignement qui est rigoureusement différent de ce qu'on propose aux garçons, hein, parce que même quand on est dans un établissement un peu ambitieux, on va apprendre tout ce qui relève de ce qu'on appellerait les humanités modernes, les langues vivantes, l'histoire de la géographie, un petit peu de science, mais pas du tout les humanités classiques, le latin et le grec, qui jouent un rôle si important pour les collégiens et les lycéens garçons, et évidemment pour l'accès au baccalauréat et puis l'université. Pour prendre la parole, les jeunes filles ont des possibilités, des ruses presque. Il faut ruser, trouver des biais, en fait, pour montrer que l'on est apte au savoir. Comment procède Julie Victoire Daubier, hors du système universitaire notamment, qui lui est interdit? Comment trouve-t-elle un chemin pour montrer qu'elle a des capacités à prendre la parole, à réfléchir, montrer qu'elle est une femme qui pense? Elle va répondre à un concours organisé par l'Académie des sciences, ça, je me souviens plus exactement, en 1859 à Lyon, répondre à une question par rapport à chercher les moyens d'élever le salaire des femmes à l'égal de celui des hommes et d'ouvrir aux femmes de nouvelles carrières. Et c'est de sa réponse à ce concours qui sera primé qu'on doit les réflexions qui seront ensuite publiées sous le titre « La femme pauvre au XIXe siècle », des textes qui apparaissent également dans des revues d'économistes libéraux, des économistes libéraux de la période, dans le journal des économistes, par exemple. Parce que, de fait, elle profite, Julie Victoire Daubier, et ça, je crois que c'est important de le dire, du soutien d'un réseau. Et notamment le soutien d'un frère prêtre qui va lui donner accès au savoir, mais également le soutien des Saint-Simoniens comme Arles Dufour à Lyon. Oui, l'importance de ces idées de Saint-Simon hein, qui veulent un progrès collectif, qui vise l'égalité. C'est dans ce contexte qu'en 1861, Julie-Victoire Daubier passe son bac. L'idéal serait d'avoir une archive qu'elle nous raconte. Eh bien, écoutez, Rebecca Rogers, c'est étonnant, mais nous avons une archive au journal de 20h, Julie-Victoire Daubier. Elle, c'est Julie-Victoire Daubier, tout juste 13 ans, même nom, même prénom que son arrière-arrière-arrière-grand-tante. Souvent on dit, oh, tu as le caractère de ton ancêtre, des fois, parce que j'ai un caractère assez typé, disons. Et c'est vrai qu'elle avait du caractère, l'ancêtre. C'est vrai qu'elle s'est battue pour passer son bac, un privilège masculin à son époque. Quand elle voulut se présenter la première fois à Paris, elle essuyait un refus du recteur de la Sorbonne. Une scène que les élèves ont rejouée cet après-midi à leur façon. Vraiment non, mademoiselle. Je respecte votre courage, mais ce projet est irréalisable. Je couvrirai la Sorbonne de ridicule. La Sorbonne en a vu d'autres, monsieur le recteur. Ce n'est pas pour moi seule que je lutte, mais pour toutes les femmes. Seulement voilà, comme une musique qui ne vous lâche plus, Julie-Victoire Daubier s'est entêtée. Elle finira par imposer sa candidature à Lyon le 16 août 1861 et a décroché son diplôme, une double victoire pour elle et toutes les femmes. Le journal de 20h sur la troisième chaîne de la télévision française, l'édition Lorraine, donc de là où vient Julie-Victoire Daubier en novembre 1992. Dans cet extrait, nous entendons bien une descendante de Julie-Victoire Daubier dire « j'ai un sacré caractère ». Rebecca Rogers, il fallait du caractère pour s'imposer, pour passer son bac. Oui, il fallait du caractère et je pense que Amélie Puche peut nous en dire plus parce qu'elle a regardé les archives concernant, mais c'est clair que c'est quelqu'un qui dont le caractère va l'amener vers le devant de la scène des revendications pour les femmes. Et notamment, elle va devenir de plus en plus offensant, en quelque sorte, pour dénoncer les inégalités dans l'accès à l'enseignement, dans l'accès à des carrières, par rapport au salaire. Elle est très anticléricale aussi, hein, par rapport au passe-droit des congrégations religieuses, par rapport à des femmes laïques comme elle. Et puis, elle va aller jusqu'à revendiquer le suffrage au début des années 1870, alors que c'est vraiment, ça ne fait pas partie des revendications d'un mouvement féministe qui est dans son enfance à cette période-là. Elle a le bac en 1861 et 10 ans plus tard, 1871, elle devient licenciée S-lettres. Amélie Puche, justement sur cette question de caractère, de s'imposer dans une société extrêmement masculine, mais au-delà même de la société, dans des institutions qui sont faites pour privilégier les hommes ou au moins écarter les femmes. Qu'avez-vous, dans vos recherches, repéré sur cette question de volonté, de caractère? Il faut pas baisser les bras quand on veut arriver à son but quand on est femme au 19e siècle. Non, il faut avoir beaucoup de persévérance parce que l'université n'ouvre pas ses portes très facilement aux femmes. Il a fallu demander encore, notamment Madeleine Bress, qui est la première à rentrer à l'université de médecine. A dû passer par le Conseil des ministres, puisque le Conseil de l'université lui avait refusé ce droit à s'inscrire en médecine. Et donc, elle a dû demander à Victor Duruy et puis au Conseil des ministres qui a accepté sa demande. Mais donc, il a fallu beaucoup de persévérance à toutes ces pionnières pour pouvoir rentrer à l'université. Et justement, autour de l'histoire de Julie-Victoire Daubier qui obtient son bac, il y a tout doucement une agrégation de légendes, on pourrait dire, qu'il est difficile en fait à démêler de la réalité. Est-il vrai que le bac lui a été refusé, qu'il a fallu aller jusqu'au ministère, que l'impératrice est intervenue? Deux éléments en fait autour de tout ce qui s'agrège autour. Est-ce que c'est vrai? Et puis, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Amélie Puche. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'on n'a pas la réponse. Effectivement, l'histoire dit qu'il a fallu que passer par le ministre en personne pour qu'il lui signe son diplôme du baccalauréat et qu'elle ne l'a pas eu du coup en 1861, mais qu'elle ne l'a eu qu'un an plus tard, en 1862. A priori, c'est pas vraiment vrai, mais on n'a pas vraiment de certitude sur tous ces points. Après, est-ce que c'est intéressant de le savoir? Je pense que ça souligne juste que ça a été difficile et qu'il a fallu beaucoup de courage à cette femme pour faire entendre sa voix. Et puis, dans l'histoire, bien sûr, il y a des changements de régime. Quand la République raconte le bac obtenu sous le Second Empire, il est bien de montrer que ça a été difficile, alors que sous le Second Empire, bien sûr, il y a des évolutions sur ces questions d'éducation, notamment avec un ministre qui s'appelle Victor Duruy. On a dit, avec raison, que le ministère de Victor Duruy a été le point de départ de tous les progrès et de toutes les réformes qui ont été accomplies depuis dans notre enseignement public. Voyons brièvement ce qu'a voulu faire Duruy et ce qu'il a fait effectivement. Sur le plan de l'enseignement primaire, c'est à Duruy que revient sans conteste le mérite d'avoir dressé le premier projet d'enseignement gratuit et obligatoire, que la Troisième République a pris à son compte et fait aboutir. Il a multiplié les maisons d'école, améliorer la situation des instituteurs de village, désormais appelés à jouer un rôle important dans la vie nationale, fondé par milliers des bibliothèques scolaires, accru de près d'un million le nombre d'enfants fréquentant l'école, organisé les écoles de filles et les cours d'adultes, dont 30 000 étaient déjà ouverts en 1867 et avaient reçu plus de 800 000 élèves. Charles Samaran, archiviste, historien français qui évoquait dans l'émission Heure de culture française en 1950 cette figure étonnante de Victor Duruy. Rebecca Rogers, oui, le régime politique est toujours essentiel pour comprendre le fonctionnement, les choix qui sont faits. En l'occurrence, là, nous sentons bien que nous sommes au-delà du régime politique. Victor Duruy est un personnage extraordinaire, ministre sous l'empereur Napoléon III, mais qui reste influent sous la République. Disons son œuvre, j'ai vraiment tendance à dire à mes étudiants, on déifie Jules Ferry dans le système scolaire français, mais tout est déjà lancé par Victor Duruy dans les années 60. Alors, il s'appuie évidemment sur un courant d'opinion qui facilite ces initiatives passent, mais incontestablement autour de l'enseignement primaire, pour l'enseignement primaire des filles aussi, fait abaisser la taille des villages pour que les filles, pour que les communes soient obligées d'ouvrir une école de filles. C'est les initiatives autour des cours d'adultes, y compris des femmes adultes. Et puis pour l'enseignement secondaire, c'est lui quand même qui va inciter à la création en 67, de cours secondaires de jeunes filles, mais qui ne destine pas du tout les jeunes filles à briguer le baccalauréat, ni d'envisager d'aller à l'université, donc restituant à Daubier et ses consoeurs l'effort qu'elles ont dû mener pour arriver dans cette enceinte très masculine qu'est l'université. Mais clairement, il y a un énorme foisonnement d'initiatives sous Duruy, y compris autour de l'enseignement gratuit, obligatoire, et même quelque chose que j'ai vu récemment, après la défaite de Sedan en 70, Julie Victoire Daubier fait partie d'une commission pour repenser l'enseignement primaire en France, qui rebondit sur ces évolutions impulsées par Victor Duruy. Et cette commission qui va proposer un enseignement libre, gratuit, obligatoire et laïque en 70. Et donc bien 10 ans, 12 ans avant que Jules Ferry va mettre ça dans les lois. Dites-nous, Amélie Puge, dans votre étude sur les femmes à la conquête de l'université, vous avez choisi, parce qu'il faut faire un choix, 1870 comme début de votre étude. Mais nous entendons bien que la personne de Victor Duruy, déjà ministre auparavant sous le Second Empire, est importante dans ses propositions. Quelle est cette rupture, cette évolution? Que se passe-t-il dans ces années 1870 qui est un progrès pour la place des femmes à l'université ? Il est vrai que les premières qui peuvent entrer à l'université, c'est à 1867, donc c'est quelques années avant. Mais surtout, selon moi, le grand tournant, c'est 1872, parce que jusqu'ici, elles n'avaient pas le droit d'assister aux cours. Elles avaient le droit de s'inscrire, elles avaient le droit de passer les examens. Julie-Victoire Daubier est licenciée en 1871, mais elles n'ont pas le droit d'assister physiquement aux cours. Et donc, en 1872, il y a une pétition de Julie-Victoire Daubier et d'autres de ses camarades féminines de cours, demandant à ce qu'elles puissent assister aux cours. Et donc, il y a une enquête qui est faite montrant que au Collège de France, elles sont admises, que dans les facultés de province, elles sont admises. Et donc, résulte de cette enquête, l'autorisation d'assister aux cours, donc en 1872. Et à partir de là, effectivement, ça devient beaucoup plus facile pour elles de passer les examens en ayant eu les cours des professeurs. Elles ont les cours avec une hypocrisie auparavant où les femmes avaient le droit de passer les examens, mais elles n'avaient pas le droit d'assister aux cours. C'est quelque chose que l'on a du mal à comprendre. Et nous saisissons dès lors combien la posture de Julie-Victoire Daubier est essentielle avec un regard qu'elle porte sur l'ensemble de la société. Nous vivons dans un milieu social où, logiquement, les femmes n'obtiendront jamais que ce qu'elles sont capables de prendre. L'étude du latin et du grec serait souvent nécessaire à l'ouvrière pour lui faire exercer avec intelligence une profession lucrative dans les imprimeries. Le baccalauréat est la clé de tous les emplois, et l'examen du baccalauréat ne leur est interdit ni par la loi salique, ni par le code Napoléon. Daniel Königsberg, qui s'est transformé aujourd'hui en Julie-Victoire Daubier. Non, mais vraiment, parce que c'est un extrait de La femme pauvre au XIXe siècle, donc en 1866, un texte de Julie-Victoire qui réfléchit, et nous l'entendons, Rebecca Rogers, à quelque chose de beaucoup plus vaste. En appel au passé, la loi salique, le code Napoléon, et puis au présent, la situation sociale, et à l'avenir. Et là, nous sommes bien dans les idées de Saint-Simon. Nous voyons qu'elle a une vision du futur. C'est aussi pour cela qu'elle passe son bac, quoi. Ce n'est pas que pour elle. Cette enquête dans La femme pauvre au XIXe siècle est vraiment incroyable. Hein. La femme pauvre, c'est pas vraiment un travail sur les femmes de milieu modeste, même si elles sont comprises là-dedans, mais c'est vraiment l'idée des femmes qui sont obligées de travailler pour gagner leur vie. Et pour elles, et elles pensent, je pense, un peu implicitement, plutôt à ces femmes des petites classes moyennes, bourgeoises, pour qui l'enseignement va être une opportunité, mais dans les structures de l'époque, dans les mentalités de l'époque, on n'imagine pas pour les femmes ces possibilités d'accès au savoir et puis ensuite à des carrières plus intellectuelles. Et elle fait vraiment une enquête avec chiffres à l'appui, avec des détails sur le salaire que gagnent les femmes par rapport aux hommes. Disons, c'est vraiment un effort d'attirer l'attention sur les inégalités dont souffrent les femmes dans cette France des années 50, au moment, début des années 60, quand elle est en train de mener cette enquête. Et l'une des choses qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle va beaucoup utiliser l'exemple de ce qui se fait ailleurs pour pointer du doigt que les Français sont en retard par rapport à leurs voisins suisses, par rapport à leurs voisins allemands, par rapport aux Anglais, par rapport aux États-Unis. Et elle va nourrir cette réflexion d'informations sur les possibilités qui existent dans d'autres pays pour constamment dire mais la France n'a pas le n'a pas le courage d'aller dans ce sens-là. Il faut changer la société pour qu'on puisse imaginer une place pour les femmes comme comme celle qu'on voit dans ces pays voisins. Merci Rebecca Rogers de souligner l'importance du comparatisme en histoire, parce que Julie Victoire Daubier elle-même le faisait, regardait ce qui se passait autour, et la question sociale, l'enquête est essentielle. Amélie Puch, justement, qui sont ces femmes à la conquête de l'université? Elles viennent de quel milieu social? Alors, en fait, généralement, elles viennent de la petite bourgeoisie, on peut dire comme ça. C'est des filles d'employés et d'enseignants pour beaucoup. Et elles n'ont pas forcément les moyens de faire un très beau mariage. Et donc, pour compléter leur dot ou pour remplacer la dot quelque part, elles briguent un diplôme universitaire. Elles briguent un diplôme en fait. Universitaire dans la volonté de s'assurer leur propre avenir. Mais ce travail, ce qu'elles offrent dans leur volonté d'accéder à un diplôme, le baccalauréat, il faut le rappeler, c'est le premier grade universitaire, et puis même au-delà, s'inscrit dans une lecture beaucoup plus large. Ces femmes à la conquête de l'université sont-elles également dans des associations qui militent, alors éventuellement pour le vote des femmes, même si c'est très précoce dans les années 1870, mais au moins pour l'égalité? Amélie Puch. Quand elles sont étudiantes, je parle de manière assez générale, lorsqu'elles sont étudiantes, pas encore. Souvent, c'est quand elles accèdent justement diplômées dans le monde du travail que là, elles se rendent beaucoup plus compte des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, des inégalités qui existent. Et souvent, elles s'engagent à ce moment-là, donc après les études plutôt, pas au moment où elles font des études. Elles sont assez peu engagées à ce moment-là, mais elles s'engagent beaucoup après, notamment les femmes qui sortent de médecine ou de droit sont des porte-parole assez prisées des mouvements féministes. Et donc, on voit qu'elles s'engagent assez massivement. Je vous pose la même question, Rebecca Rogers. Dans cet engagement, en fait, à l'université, il y a une lecture plus large à faire dans l'ensemble de la société. Est-ce que ces femmes accèdent à l'université parce que la société évolue, ou est-ce que c'est parce que la société évolue que la porte de l'université s'ouvre? Évidemment, c'est les deux mouvements qui vont de pair. Mais c'est clair que la figure de Julie Victoire Daubier va pousser à cette ouverture, et elle va, à partir des années 1869-70, s'associer à un mouvement des femmes associée à des hommes, hein, Léon Richer, donc elle va dans un temps avec Léon Richer d'être dans une association pour revendiquer les droits des femmes. Elle va elle-même créer une association pour l'émancipation progressive de la femme en novembre 71. Là aussi, souvent associée à des hommes qui la soutiennent. Et c'est vrai que ces années 69-70, 71 sont des moments de création de toute une série d'associations qui militent, alors souvent avec une figure un peu emblématique derrière, mais qui militent pour l'ouverture des possibles pour les femmes dans la société française. L'éducation étant très souvent l'une des toutes premières revendications, parce qu'on se dit sans l'éducation, les femmes ne peuvent pas prendre la place auxquelles elles auraient droit dans la société. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux grandes figures qui ont façonné l'université. Aujourd'hui, Julie Victoire Daubier, une pionnière à l'université. Et nous retrouvons Danielle Königsberg, qui est toujours Mademoiselle Daubier, mais cette fois-ci pour l'émancipation de la femme en 10 livraisons. C'est publié en 1871. L'extension du droit de suffrage pour les hommes, la forme démocratique des gouvernements, les principes mêmes de la liberté moderne appellent l'attention publique sur la participation des femmes au vote. Au point de vue de l'intérêt général, cette question est digne aussi de toute l'attention des législateurs, car il y a antagonisme et abaissement des mœurs partout où la femme, mineure pour le droit, est majeur pour le devoir public. Cette considération devient capitale devant un suffrage prétendu universel qui détruit toute pondération et toute stabilité civile et politique en préférant toujours le vote, c'est-à-dire la volonté des hommes, même incapables et immoraux, à celui des femmes pourvues de capacité et de moralité. Loin de produire la liberté, une telle institution qui met trop souvent la raison à la remorque des intérêts et des passions est grosse d'anarchie et de despotisme. Nous regardons donc le suffrage comme un droit et un devoir de premier ordre qu'il ne nous est pas permis de sacrifier. Nous le revendiquerons par les moyens légaux qui nous sont acquis déjà, avec le ferme espoir d'être secondés par tous les hommes de progrès et d'avenir. L'émancipation de la femme en 10 livraisons par Julie-Victoire Daubier en 1871, une lecture de Daniel Königsberg. Rebecca Rogers, cette émancipation de la femme en 10 livraisons est ultra, j'ai envie de dire, dans le combat. Nous entendons des choses qui sont révolutionnaires au sens propre. En plus, nous sommes en 1871, c'est l'année de la Commune. Très vite, en fait, cette femme, et notamment Julie-Victoire Daubier, porte un message qui va au-delà de l'éducation. Donc, on peut bien dire que l'éducation, le combat pour l'éducation, en fait, est juste une amorce pour aller encore plus loin. Pas pour elle en tout cas, ça c'est quelque chose même dont j'étais pas si consciente que ça, parce que c'est vrai qu'en histoire de l'éducation, on la campe dans cette figure d'accès au baccalauréat et puis de licencier, alors que elle a dans son activité publique relativement restreinte, hein, parce qu'elle meurt en 74, donc à 50 ans, hein, donc elle n'a pas pu aller au bout, hein, de ses projets. Elle est d'une forme de radicalité dans sa pensée politique qui est tout à fait étonnant. Et ce texte, l'émancipation de la femme en 10 livraisons, on peut le trouver en ligne parce que la Bibliothèque nationale de France l'a numérisé sur Gallica, et c'est vraiment très frappant, hein, commençant avec ce manifeste pour la revendication du suffrage des femmes et avec cette volonté de donner aussi la voix à ce qui se fait notamment en Angleterre autour du droit de vote des femmes, là, quand ça concerne le droit de vote municipal. Et chaque livraison nous donne un aperçu de ce qui se fait ailleurs, de ceux qui soutiennent ce combat, et c'est à la fois des hommes et des femmes. Elle est quand même très impressionnée par ce que John Stuart Mill est en train de revendiquer pour les Anglaises à cette même époque. Mais ce qui est intéressant aussi, hein, dans ce texte, c'est que si elle commence avec une revendication du suffrage des femmes, eh bien, à fur et à mesure de ses livraisons, elle s'est intitulée « Carrière professionnelle pour les femmes ». Et c'est des analyses qu'elle reprend de la femme pauvre sur quelles sont les possibilités pour les femmes pour avoir des carrières professionnelles. Et pour cela, il y a le besoin d'un enseignement secondaire, accès à l'enseignement supérieur, accès à un enseignement professionnel digne de ce nom, et des interrogations sur l'enseignement mixte. Hein. Elle est l'une des premières à évoquer cette question de la mixité, la non-mixité en France, qui coupe l'accès à tout un ensemble d'institutions pour les femmes. Donc c'est vrai que c'est un personnage vraiment intéressant. Personnage fascinant que Julie-Victoire Daubier, radicale dans ses prises de position, mais complètement légitime, Amélie Puche. Parmi ces femmes à la conquête de l'université, Julie-Victoire Daubier est-elle plus radicale que les autres, ou parce que vous nous avez dit certaines femmes choisissent l'université pour s'assurer leur avenir, pour vraiment construire un projet d'avenir. Julie-Victoire Daubier, elle, a une démarche qui se distingue. Oui, tout à fait. Elle met un peu ses idées en action, Julie-Victoire Daubier. Elle est effectivement beaucoup plus radicale que les autres, ne serait-ce que parce qu'elle a une vraie démarche féministe, on peut le dire, à la base. C'est à ma connaissance la seule qui réclame le suffrage. Les autres, voilà, elle cherche avant tout à s'assurer une subsistance avant de s'engager. La démarche est très différente. Donc, à ce niveau-là, Julie-Victoire Daubier se démarque complètement des autres. Et elle décède, vous l'avez rappelé, Rebecca Rogers, à 50 ans en 1874. Qu'en est-il de sa mémoire? Eh bien, la mémoire de Julie-Victoire Daubier s'inscrit dans la mémoire des femmes et dans l'histoire des femmes. Écoutons Michel Perrault. Si j'ai fait l'histoire des femmes, c'est très facile à comprendre. C'est que dans les années postérieures à 68, alors là ça nous renvoie bien après, les années 70, il y a eu le mouvement des femmes. Et là on revient au présent, on revient aux raisons pour lesquelles un historien écrit ce qu'il écrit. C'est-à-dire quand il est sensible à l'ère de son temps, ce qui est mon cas, d'une manière ou d'une autre, il répond dans l'histoire qu'il fait au problème que son temps lui pose. Or, dans les années 1970, il est bien vrai que la figure de l'ouvrier commence à s'effacer dans le paysage social et que d'autres figures sociales apparaissent, et les femmes au premier plan, le féminisme. L'historienne Michel Perrault, qui parlait dans l'émission À voix nue sur France Culture en novembre 1990. Dites-nous, Rebecca Rogers, Julie-Victoire Daubier, première bachelière, première licenciée S-lettres, a été un peu oubliée. J'ai envie de dire qu'elle a même été redécouverte. Vous, dans votre démarche d'historienne, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'éducation féminine en France. Quel regard portez-vous sur Julie-Victoire Daubier aujourd'hui et puis dans votre carrière? Vous avez vu une évolution? Je me suis rendu compte en réfléchissant à cette émission qu'il y a eu vraiment un moment daubienne en quelque sorte au début des années 90. J'étais pas encore installée en France, mais c'est un moment et l'un de vos premiers extraits là daté de 92, mais c'est pas un hasard qu'on parle de Julie-Victoire Daubier en 92, parce que c'est le moment où on organise des colloques autour d'elle, parce que en partie ses descendants ont déposé des lettres de la famille à la bibliothèque Marguerite Durand. Et ces lettres sont passionnantes parce que ça permet de voir tout le réseau de connaissances proches, mais aussi d'interlocutrices étrangères qu'elle avait dans ces années-là. Et je pense que dans les années 90, au début des années 90, on est en train d'institutionnaliser un peu l'histoire des femmes à l'université française, et cette figure auquel on n'avait pas beaucoup réfléchi, elle prend une actualité à cause de ces archives qu'on découvre. On va créer la revue Clio en 95 pour travailler sur l'histoire des femmes, et donc elle va devenir quelqu'un qui intéresse, et puis en quelque sorte ça retombe. C'est maintenant de nouveau, avec le travail d'Amélie Puch sur les accès des femmes à l'université, on commence de nouveau à s'intéresser à la place des femmes dans l'université. Mais il y a des vrais cycles. Et je voudrais noter aussi que peut-être la première a vraiment attiré notre attention sur la place des femmes dans l'université et la difficulté d'arriver dans l'université, et puis ensuite de nous montrer là où elles se sont investies avec le plus de facilité, là où les portes ont resté assez fermées. C'est cette docteur en droit Edmé Charrier qui, en 1931, fait une thèse sur l'évolution intellectuelle féminine, le développement intellectuel de la femme dans les professions intellectuelles. Donc une enquête là appuyée par beaucoup plus d'enquêtes que Julie-Victoire Daubier à son époque, mais qui reste pour nous qui s'intéressons aux femmes dans l'éducation, une espèce de bible avec des statistiques, des détails sur le nombre des étudiantes, etc. Mais ça, c'est les années 30, puis 90, et puis maintenant, en 2020. Rebecca Rogers, vous l'avez emmené avec vous, cet ouvrage, nous le voyons broché des années 30. Il est étonnant de se dire que dans les années 30, il y a toujours cette réflexion qui continue. Évidemment, les conclusions sont différentes. Amélie Puch, justement, vous avez étudié sur une période assez longue, 1870-1940, les femmes à la conquête de l'université. À partir de quel moment cela ne choque plus qu'une femme rentre à l'université ? Il y a un premier tournant vers 1900. On commence à accepter un peu plus les femmes, mais c'est surtout après la Première Guerre mondiale, les années d'entre-deux-guerres, 1920-1930. Là, vraiment, la présence des femmes n'est plus remise en cause, en tout cas dans les sources que j'ai pu lire. On ne dit plus que leur place n'est pas là. Alors, faut bien différencier leur place à l'université et le après, parce que par contre, dès qu'elles arrivent dans le monde professionnel, c'est différent. Là, il y a toujours des gens pour dire qu'elles prennent la place d'hommes. Mais en tout cas, à l'université même, vraiment, il y a ce tournant post-Première Guerre mondiale où leur place n'est plus remise en cause du tout. Oui, parce qu'il y a toute cette réflexion autour de la première, la pionnière qui est formidable. Et puis une fois que la chose se démocratise, ben on oublie un petit peu. Et c'est vrai que les petites bachelières des années 1970 n'ont peut-être plus autant le souvenir des combats de Julie-Victoire Daubier. Est-ce qu'il existe, à ton avis, Nathalie, une formule pour réussir son bac ? Une recette ? Bon, il y a la recette con vachement connue, le bachotage, c'est-à-dire on prend ses cours, en particulier d'histoire et géo, et on apprend par cœur bêtement. Bon, ça marche pour certaines matières. Et sinon, ce qu'on peut faire, non, en fait, il n'y a pas de formule. À part ça, il n'y a pas de formule. Le tout, c'est d'essayer de réfléchir un peu, en philo par exemple. Mais sinon, je pense pas. Ça tient à des choses qui viennent de toute la scolarité, quoi. Ça tient pas à un mois du bac ou même à un an du bac. Tu as 17 ans et demi, et je pense que c'est un âge assez jeune pour passer son bac. Oh, non, je pense pas, en fait. C'est adapté à l'âge, il faut bien, c'est fait pour ça. Et puis, non. La moyenne d'âge des lycéens actuellement, des bacheliers... Oui, ça fait 17-18 ans, oui, 18 ans peut-être. Il y en a beaucoup qui le repassent pour la seconde fois, enfin certains. Certains. Mais enfin, c'est quand même plus ou moins adapté à l'âge, quoi. Puis c'est tellement bateau qu'on peut l'adapter à tous les âges. En juin 1973, dans l'émission Portrait d'une bachelière, Nathalie explique ce qu'est le bac avec des soupirs d'adolescente sublime, mais aussi une analyse très pertinente parce que elle dit que le bac, ce n'est pas simplement un moment, c'est l'ensemble d'une scolarité. Rebecca Rogers, effectivement, il ne faudrait pas focaliser sur ce moment bac essentiel ou sur le parcours universitaire. En fait, l'ensemble de l'éducation doit être pris en compte et c'est ce qui vous intéresse, vous, dans votre démarche. Et l'enseignement ne se cantonne pas à quelques moments clés comme celui du bac. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant cette réflexion de cette jeune Nathalie. Elle n'en est certainement pas consciente, mais c'est le moment où il y a plus de bachelières, où il y a ce bascule, où il y a plus de bachelières que de bacheliers. Une tendance constante depuis les années 70. Et elle fait partie de ces bonnes élèves filles qui font des parcours exemplaires. Très, très, très certainement. Mais c'est vrai qu'on voit, en prenant en compte tout le processus d'accès au savoir, les filles on transmet des messages par rapport à l'éducation comme une voie qui est très rapidement féminine. Hein. Une possibilité pour les femmes, pour Julie-Victoire Daubier, c'est le métier par excellence des femmes et du coup l'investissement dans un parcours tout au long de la vie qui est très frappant dès le 19e siècle. Quand on regarde les femmes, les personnes qui souhaitent obtenir un brevet de capacité, hein, qui permet d'ouvrir, d'enseigner dans le primaire, eh bien, dans ces années 1860-70, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Hein. On parle du mode de brevet. Et moi, je fais l'hypothèse que c'est plus qu'une mode, hein, des familles bourgeoises, mais que c'est en voilà déjà, hein, ce mouvement de fond pour les femmes qui aspirent à quitter une condition liée au travail manuel. Ben, c'est l'enseignement, c'est la porte vers autre chose. Alors, pas forcément le bac, évidemment, c'est une minorité qui vont briguer le bac avant l'entre-deux-guerres. Mais l'enseignement comme accès à des carrières dans l'administration, dans la fonction publique, etc. Ce mouvement de fond, Amélie Puch, vous le constatez aussi pour l'université avec un effectif qui grandit en fait au fur et à mesure. Mais l'idée de base, l'idée originelle est toujours là. C'est s'émanciper de la condition dans laquelle la société veut vous cantonner. Oui, tout à fait. D'abord par une culture qu'on leur refuse jusqu'ici. C'est montré qu'elles sont tout aussi capables que les hommes d'accéder aux hautes sphères intellectuelles. Et ensuite par des métiers avec de plus en plus des revendications pour accéder aux tous les métiers au même titre que les hommes, puisque leurs diplômes universitaires leur en ouvrent le droit. Donc ça, c'est une autre bataille qui s'ouvre aussi à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. C'est l'accès à toutes les professions au même titre que les hommes. Et cela est pour nous la chose pertinente à retenir sans doute de ce personnage, de ce portrait, Julie-Victoire Daubier. Nous sommes sur un cas, mais de ce cas, il est possible de tisser l'ensemble d'un univers, un univers complexe. Quels sont les champs encore à travailler, Rebecca Rogers, sur cette histoire de l'enseignement des femmes ? Alors moi je suis 19e-iste et c'est vrai que moi ce qui m'intéresse de plus en plus c'est tout ce champ de l'enseignement professionnel qui répond à nos questions aujourd'hui. Hein, pourquoi les femmes s'orientent vers certaines filières? Alors on voit les filles dans les facultés de lettres qui sont déjà plus de 50% en 1930. Hein, donc c'est un mouvement de longue durée, cette orientation vers les lettres qu'on peut peut-être qu'on comprend différemment aujourd'hui que dans la période de l'entre-deux-guerres. Mais il me semble quand même que c'est par le biais de l'enseignement professionnel et du coup la manière dont les femmes ont, après des études, accès à certains types de métiers, la manière dont certains métiers deviennent féminines, hein, parce que ce sont les femmes qui s'y investissent. Mais pourquoi cette résistance du côté des sciences? Alors maintenant, on va parler de l'informatique, donc ces créneaux porteurs pour l'économie, mais où on trouve beaucoup moins de femmes et dans le monde encore aujourd'hui, où on voit cette faible présence des femmes dans les classes préparatoires pour avoir accès aux grandes écoles. Alors, ces questions d'articulation de l'enseignement avec les orientations ensuite et l'accès au monde du travail qui, moi, m'intéresse. Eh bien, il y a encore du travail, Rebecca Rogers. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, hein, les bourgeoises au pensionnat, l'éducation féminine au 19e siècle et avec Françoise Thébault, la fabrique des filles, l'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule. Et merci beaucoup aussi à Amélie Puch, les femmes et la conquête de l'université. Ça, c'est le titre de votre thèse et je ne doute pas que ce sera bientôt le titre d'un livre. Merci beaucoup à vous deux. Il est temps de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, alors que Joe Biden devient officiellement président des États-Unis, la guerre de sécession a hanté les esprits pendant la campagne électorale qui se termine. Enfin. À l'heure du bilan, les analystes se disputent sur la postérité de l'expérience Trump. de la crainte de la persistance d'un trumpisme sans Trump à l'illusoire possibilité de la considérer comme un épisode détestable à jeter aux oubliettes de l'histoire. Le premier chantier à ouvrir pour le poète John Freeman dans la revue AOC consiste en un exigeant travail pour rétablir la vérité. Pour de nombreux observateurs, les États-Unis n'ont jamais été aussi près d'une guerre civile depuis la guerre de sécession. Un épisode de l'histoire nationale qui a dominé et qui hante encore les esprits qui ont suivi cette actualité outre-Atlantique, souvent envahissante. Du Dixie Flag sudiste surgit dans les couloirs du Congrès le 6 janvier au déboulonnage des statues de généraux défenseurs de la société esclavagiste, en passant par les débats sur la date inaugurale de l'histoire des États-Unis, cette guerre fondatrice qui a opposé les États du Nord aux États du Sud entre 1861 et 1865 a été convoquée lors de ces élections et continue à l'être comme jamais. Une référence entêtante à la guerre de sécession qui trouve son origine dans le degré de division exacerbé du peuple américain au cours de la dernière année, qui s'est exprimé dans les manifestations contre les violences policières infligées aux Africains-Américains et la sortie de l'ombre des groupuscules d'extrême droite, en partie grâce à la bienveillance du président sortant. Une frayeur de l'autodestruction par la division dans un pays qui a érigé en messe annuelle le discours sur l'état de l'Union et dont Abraham Lincoln disait en 1858, 3 ans avant le début de la guerre de sécession, qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir debout. Selon l'historien Bruno Cabanne, les lignes de faille exacerbées ces derniers mois remontent à la guerre de sécession avec deux visions du passé, deux regards qui se sont violemment exprimés l'été dernier, au cours des affrontements qui ont eu lieu autour du nom des bases militaires américaines portant les noms de généraux confédérés, aussi bien qu'à l'occasion de la remise en question de leurs monuments dans l'espace public. Une fracture mémorielle qui abîme le vivre ensemble. Et l'urgence, selon l'écrivain Ron Rash dans Le Monde, de trouver une cause commune pour éloigner les ressorts de la guerre civile. Merci Anaïs, on retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire. Après le journal de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Nous nous intéressons toute la semaine aux grandes figures qui ont façonné l'université avec Eumène à Autun, Eumène-moi à l'université, les écoles gallo-romaines, Robert de Sorbonne avec évidemment la Sorbonne. Aujourd'hui, Julie Victoire Daubier, pionnière de l'université. Et demain, nous nous intéressons à l'université buissonnière avec l'expérience de Vincennes. Des émissions à écouter sur le site franceculture.fr.